canaille. Sur l'asphalte, toute la night. Sur la table, genre 100 000 en cash. Je suis sur le star. Jetez pas l'œil, dites machallah. Il raye ta voiture, casse-lui les doigts. Et sur la table, genre 100 000 en cash. Je suis sur le toit, une vue imprenable. Hey, toute la night. Sur l'asphalte, sur l'asphalte, sur la table, genre 100 000 en casse, je suis comme ce putain de migrant qui fait le voyage dans une malle. Et si je te fais du bien, tu ne retiendras que le mal. Apprécie le spectacle, 20 ans qu'on se pétache, je suis plus East Coast que West Side. Je vise la cabeza, l'envieux c'est le type qui ne fait que guetter ton assiette. J'ai vécu 22 ans comme un insecte, comme un asset. Je sors la mixtape, je mets fin à la fête. Je vends quelques traites, je prends l'or des Aztèques. Trop d'enfants dans ce game, obligé de donner la fessée. Je le fais pour ceux qui doutent et ceux qui me souhaite un AVC. Hey, Stade de France, déjà fait, tu me vois, si tu payes, hey. Je réponds pas sur Insta, je veux pas donner le double platine. J'étais là quand Shaggy chantait Tiki Bombastique. Jetez pas l'œil, dites machallah, il raye ta voiture, casse-lui les doigts, hey. Sur la table, genre 100 000 en cash, suis sur le toit, une rue imprenable, hey. Jetez pas l'œil, dites machallah, il raye ta voiture, casse-lui les doigts, hey. Sur la table, genre 100 000 en cash, suis sur le toit, une vue imprenable, hey. Toute la night, sur Fortnite, hey. Toute la night, hey. Sur la table, genre 100 000 en cash, hey. Je resta, hey. Je restart, ramène la coupe à la maison, vas-y, ramène pas les flics, ramène des coupures au daron, vas-y, ramène pas les streamers. J'arrive blanc et tordu comme mon costume de streamer. Oh, les barrières viennent de toi, de ton masque des streamers. Oh, j'rappe la vérité, mais toujours moins que les screens. Ouais, l'alcool, ça fait du bien, j'suis tellement moins squelettique. J'suis dans la lune, la lumière est sur moi, fait que je t'éclipse. Y'a que moi que j'veux dépasser, j'en ai marre de faire des flics. Merci plein, un seul tube, un seul tube. Je me souviens des 15 vues. Je reste dans la matrice pour Trinity en latex. Devant le maître qui ne se jette pas l'œil, tu vas le perdre. Jetez pas l'œil, dites machallah, ouais. Il raye ta voiture, casse-lui les doigts. Sur la table, genre 100 000 en cash, suis sur le toit, une vue imprenable. Hey. Toute la night, sur Fortnite, hey. Toute la night, sur la table, genre 100 000 en cash. Je restart, je restart.